À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Khariss. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Khariss, c'est maintenant sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap consacré à Khariss toute la semaine entre 20h et 21h. Comment ça va Khariss? Bien quoi Fredo? En pleine forme? En pleine forme. Tout se passe comme prévu? Comme d'hab. Numéro 1 des ventes Khariss avec le bruit de mon âme qu'on découvre cette semaine entre 20 et 21. C'est sorti depuis lundi. Ouais, fort. C'est sorti en support digital pour ceux qui téléchargent légalement. Ouais, c'est ça. Et je précise. Ouais. Sinon Khariss débarque chez vous, je vous le dis. Direct. Front kick dans le fion, direct. Il a les adresses de tout le monde. Hein. Et sinon, pour ceux qui aiment bien aussi le support avec les photos, avec tout ce qui va avec, toi, c'est plus que t'aimes, hein, toi aussi. Ouais, moi j'aime bien toucher. Le CD, l'objet. J'aime bien l'objet. L'objet avec un objet collector aussi qui est disponible uniquement à la Fnac. Avec la box. Avec la box et le t-shirt. Dedans, tout ce qu'il faut. Et bah très bien, bienvenue à vous tous pour ce Planet Rap. Vos messages, c'est parti, coup d'envoi. Le hashtag Khariss sur Skyrock. Et juste avant de débuter ce Planet Rap, on se rappelle ce qui s'est passé hier soir. Écoute, c'était hier soir, en direct sur Skyrock. Tu vas m'attendre sur l'autre rivage, je ne suis que de passage. Je chante mon message, se transforme en plusieurs visages. Honorable mon parcours, je peux bien me flatter. Je m'ennuie partout. Planet Rap Khariss. Ce soir, je disais, c'est les auditeurs qui te posent des questions, Khariss, et on a Sarah de Créteil. Salut Sarah. Allô, bonsoir. Comment ça va, Sarah? Bonsoir Khariss, ça va? Ça va ou quoi, Sarah? Ça va très bien. Tranquillement? Merci. Ouais, ça va. Je me posais la question parce que j'avais vu en fait dans le clip Sevrac. Il y a un moment, Khariss, tu fais un signe en fait. Et comme tu expliques souvent tes films, par exemple, où tu retournes tout dans Zo, t'as expliqué ton double fuck, on sait ce que ça signifie. Et là, en fait, il y a un signe que t'aimes tu fais. T'aimes bien le double fuck. Ouais. C'est pas bien, Sarah. Mais là, il y a un signe, en fait, où tu commences à dire, ils disent que je suis plus leur frelon et que j'ai le bras grave long. Et tu fais un signe, en fait, avec eux. Tu fais un signe avec ce Hey, tu m'as bouché de rire, j'ai même pas entendu ta question. La tête de rhum. Et genre, je veux savoir ce que ça veut dire demain. Je m'en rappelle plus, voilà, je m'en rappelle plus. Je vois plus c'est lequel, mais je suis sûr que le signe il était bien. Mais chacun a une signification, chaque signe. Non, ça part d'un délire. C'est le kiff, c'est pour imager un peu ce que je dis, tu vois. Donc il n'y a pas de signification précise. Ouais, pas vraiment. Bah, ce qu'on va faire, c'est okay. Que Khariss va aller. T'es pas vénère, j'espère. Non. Tu voulais qu'il y ait un truc non, à tout prix. Non, j'ai posé la question. Non, j'ai posé la question. Ce qu'on va faire, c'est que Khariss, il va rentrer à la maison, il va regarder le clip et demain, voilà. Si il dit d'un seul coup. Ah oui, mais merde, ça veut dire ça. Tu me diras demain entre vous. Je vais regarder le peu clip et demain, je te dirai si c'est vraiment ça. C'était hier soir, en direct avec Khariss sur Skyrock. Chat de Zamiral, je m'introduis partout, je suis viral. Je mélange ma mixture. Au port du vice et de la luxure. J'aime des liasses comme le petit poussé. Les couilles pendent comme une montre goussée. RGT, on te montre où c'est. Au fond de ton fion, on va te faire tousser. 2-7-0 sur le podium. Comme un caillou craque sur l'aluminium. Je viens stopper ta merde comme de l'imodium. C'est un enfer, c'est un pandémonium. Regardez, c'est le four. Mais devant la police, on est aveugle, muet et sourd. Y'a de la chienne, y'a des loups, c'est le four. Mais devant la daronne, on est aveugle, muet et sourd. J'en fais pas à la cour, je les baise, j'en fais pas à l'amour. En bas des tours, ta vie n'est un compte à rebours. Okay. Tous les soirs, 20h-21h, en direct avec Khariss sur Skyrock. Khariss sur Skyrock avec l'album Le Bruit de mon âme qu'on découvre. On n'a pas retrouvé le signe, hein. Je suis désolé, on n'a pas retrouvé. Désolé Sarah. Désolé Sarah, ouais, qui est passé hier à l'antenne. Ce soir, on va faire un petit quiz avec deux auditeurs qui vont s'affronter sur des punchlines de Khariss. Ce sera tout à l'heure, 41-7-5-9, inscrivez-vous avec le hashtag Khariss sur Skyrock. On débute ce Planet Rap, Khariss? Ouais. On est chaud pour un petit cristal? Tout doucement. Et bah c'est parti maintenant. Hit banger. C'est parti. Crystal avec Futur. Yeah. Ici. KWA. Le seul. Could you hand just fire my future to win? You know what I'm saying? LBG we global. Khariss. I won't trust these bitches. These bitches gon' tell. We don't trust no shit around none of these bitches. These bitches gon' tell.

Non, c'est bon pour l'instant. Pour l'instant, j'ai rien comme quoi, Sky. Le son de Caris qu'on écoute à l'instant. Tu veux nous présenter des gens qui sont autour de la table qu'on écoutera en live tout à l'heure. Il y a un gros freestyle. Ils vont se présenter même. Hein, c'est des rappeurs déchalants. Faisons un petit tour de table. C'est le 13 bloc, mon pote. 13 blocs, hein. Pas peur de 1. Hein. Def Record. Souvent les Bodotes. Les Chalants. 13 blocs sur l'album aussi. Hein, en featuring aussi sur l'album de Caris. J'espère que vous avez pêché le CD. Hein. La piste de puterie. L'album est dans les bacs depuis lundi, ça va bien? Ouais, pépère. Hein. Un petit mot sur 13 blocs. Un petit CV frère. Express. Que du sale qui va arriver, frère. Restez connectés, c'est tout. Hein. C'est tout. On peut suivre quelque part 13 blocs. Ouais. Page Facebook, il y a Bloc 13. Ça s'appelle Bloc 13. Bloc 13. Instagram, 13 blocs officiels, mais en lettres. Twitter, 13 blocs officiels en normal, frère. Et tu connais, hein. Allez follow, vous allez pas être déçus. Et puis on vous retrouve donc sur le morceau Vie Sauvage sur l'album de Caris. Tuerie, frère. Très très gros son. Très gros son qui est présent sur le Bruit de mon âme qu'on écoutera peut-être, je sais pas, dans la semaine. Tout à l'heure. Tranquillement, quoi. Comme tu veux, on continue le tour de table. C'est la même. C'est la même équipe, c'est que c'est la même équipe, 13 blocs. Ok, très bien. Vous êtes combien dans 13 blocs? 4, on est 4. 4 4 MC? 4 MC. D'accord, et bah qu'on pourra découvrir en live tout à l'heure dans l'émission. On va faire du simple, il y a 5. On freestyle tout à l'heure. Entre 20h et 21h, j'avais promis aussi un petit blind test. Blind test sur les punchlines de Caris avec d'un côté Noémie qui vient de Soissons. Ça va bien, Noémie? Ça va, ça va. En pleine forme, je te présente Caris. Bonsoir, Caris. Ça va, Noémie, bien ou quoi? Ça va. Nickel, Caris, je voulais te dire. Ah. Déjà, t'es de speed. T'es de speed. C'est de la merde. C'est vrai. Pardon? Mais non, poisson d'avril. Ah, tu vois, Noémie avait une petite blague. Ouais, elle est pas mal ta blague. Je sens comment à t'insulter, ma puissance. Je me suis dit, oh merde. Noémie, t'es très forte. Ah, Noémie, très forte. Noémie, tu m'as fait flipper. Il y a eu les gros yeux de Fab au standard aussi qui s'est dit merde. Putain. Vous avez dit ça y est, elle nous a fait une entourloupe. Elle, en fait, elle voulait juste l'insulter. Juste l'insulter. Bon, écoute, on aurait visité Soissons soir en même temps, hein, Caris. T'aurais découvert Soissons. Ça va, c'est pas grand. Faut pas abuser. Bon, bienvenue en tout cas, Noémie. Et face à toi, il y a Roman de Reims. Salut, Roman. Roman de Reims, excuse-moi. Ça va bien, Roman? Toi aussi, tu veux dire une connerie, Roman? Alors vas-y, commence tout de suite par la connerie, Roman. On y va par le poids. J'ai pas de connerie à lire, moi. Juste que l'album, il est trop lourd. Ah, c'est Cimer, Roman. Et ça, c'est pas un poisson d'avril? Non, c'est pas un poisson d'avril. T'es à côté de. Ils sont côte à côte ou ils sont. Ouais, c'est pas très loin d'ailleurs, hein. Soissons, Reims. Ouais, ça. 60 bornes. Voilà, non. Soixantaine de bornes, donc c'est un. Tu prennes ta voiture que t'as eu la gifler pour ce qu'on a dit. Ouais, j'ai pas le permis. Faut que tu me défendes, mon pote. Et il a pas le permis, voilà. Ah merde, il a pas le permis. Bien joué, Roman, bien joué, c'est toi qui l'as dit. On va voir en tout cas qui va gifler qui dans le punch test. Maintenant, le punch test, c'est simple, c'est moi qui vous donne les punchlines. Ça va. Donc c'est des punchlines de Caris, et vous me dites de quel morceau ils sont extraits. On y va, est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Ouais, je suis prêt. Très souvent les armes y sont, mais le tueur n'y est pas. Trop souvent les larmes y sont, mais le cœur n'y est pas. Alors attention, je refais. Très souvent les armes y sont. Bon, c'est vrai que j'ai pas le flow en même temps. Mais le tueur n'y est pas. Or noir. Ah, qu'est-ce que j'ai entendu? Or noir. Or noir. Ouais, bravo, mon gars. Très souvent les armes y sont. Mais le tueur n'y est pas. Très souvent les larmes y sont. Mais le cœur dit, quoi. Bien ouais, mon pote. Fallait que ça revienne, Roman. Bien joué, 1-0 pour Roman face à Noémie. Attention, deuxième punchline. Il y a que les ficelles de tes strings qui te soutiennent. Je te baise et les draps s'en souviennent. Elle est pas mal. Oui, elle est pas mal. Quand je la dis, c'est un peu moins incarné que toi, en fait. C'est de la poésie. C'est de la poésie. C'est pas Sevra? Non, tu es totalement largué, Noémie. C'est Zo, en effet. Oh, mince. Hey, Noémie. Ficelles de tes strings qui te soutiennent. Ouais, c'est grave la même contre. Quand tu le fais, c'est. T'inquiète, tu vas gagner quand même, Noémie. Attention, Noémie, il faut te ressaisir maintenant. Il faut te ressaisir, attention. Je t'arrache la gueule comme un piranha. Tu reviens à chaque fois comme Rihanna. C'est le son de la fête, ça. Ouais. Le son de Liège. Ah, vérification. Je t'arrache la gueule comme un piranha. Tu reviens à chaque fois comme Rihanna. Eh ouais, c'est sûr. Ah, mais Noémie, si tu dis ah ouais une fois que Roman. Eh ouais, mais ma foi. Eh ma foi. C'est important, c'est de participer, Noémie. Ouais, tu peux encore te rattraper, attention. Là, ça va aller très vite. Noémie, tu es prête? Roman aussi qui a 3-0 pour l'instant. L'heure n'est plus à la flatterie puisque mon cœur est à la batterie. Le bruit de mon âme. Le bruit de mon âme. Noémie. Noémie. Eh ouais. Allez, tu es trop rapide. C'est bien, Noémie. Je veux que la vie me fasse une gâterie. Ah. Ça, c'est la phrase de phare. Ça, ça te plaît, Noémie, hein? Ça, ça me plaît. Je veux que la vie me fasse une gâterie, hein? Ça te plaît, hein? Ouais. Eh oui. On veut tout eh ça. Bah, écoute, 3-1 pour l'instant. Attention, Noémie, est-ce que tu peux remonter avec. Avec cette dernière proposition, allez, si tu es, on va dire que c'est le, tu sais quoi, allez, on remet les compteurs à zéro. Voilà. On remet les compteurs à zéro. Ouais, c'est celui qui gagne. il est pas Corbin. Roman, on remet, sois classe, parce que je pense que tu peux en plus. Roman, vas-y. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. Punchline. Ouais, je suis prêt. Les couilles se voient même de dos. Oh putain. Quoi? Non, j'ai dit oh putain. Oh putain, non, ce n'est pas un morceau de Carrie, c'est putain, il est refusé. Ça tourne en ce moment, ça tourne. Ça tourne, on l'a passé il y a quelques minutes. Ah, mais il y a quelques minutes, on était sur le téléphone. Pardon, Noémie ? Cristal ! Ah. Les couilles se voient même Noémie, elle a une de ses douilles. Noémie, c'est sur le dernier coup en fait. Je te fais douiller, mon pote. Bon, ouais. on va vous filer des cadeaux à tous les deux, vous inquiétez pas. Vous avez mais ouais, Roman, t'inquiète pas. Tu veux quoi? Tu veux les places de concert Trabendo? Qui veut des places de concert pour le Trabendo demain? Non. Non, parce que ça vous êtes. Demain. Ouais, demain, ça va être juste. Vous voulez quoi? L'album? Ça va être juste. Album dédicacé. L'album, ça ferait plaisir, bien sûr. Eh ben, album dédicacé, comme ça pourrait faire même le concert à la maison. Vous avez l'album, ouais, vous mettez. À la maison. Vous faites le concert à la maison. C'est pour vous. En tout cas, bravo à Noémie, bravo à Roman de Reims. Merci beaucoup. Merci. Salut Noémie, salut Roman. Ciao. Vas-y, bonne soirée. Et merci à vous. On vous envoie donc l'album dédicacé, l'album qui est sorti depuis lundi, Le Bruit de mon âme. Et demain, en effet, concert au Trabendo. C'est un concert blindé, hein, pour Carice. Ouais. On a encore quelques places à filer. Les dernières places qui viennent de refuser, là. Ouais, dernières places. On les filera d'ailleurs ce soir, les dernières places avant 21h. Et je rappelle aussi qu'il y a une tournée pour retrouver Carice. Le 10 avril, t'es à Marseille. Le 11 à Lyon. Le 13 à Montpellier. Le 14 à Bordeaux. Le 15 à Toulouse. 21 avril à Caen. Le 22 à Rennes. Le 23 à Brest. Le 28 à Metz. Le 29 avril au Printemps de Bourges. Et 9 novembre, un Zénith de Paris. C'est une date que t'attends aussi, celle-ci, ouais, l'année la de Paris. Fête, la c'est vrai, fête. Grande fête. Il y aura un gros show. Bon, il y avait eu un gros concert, c'était déjà sur le précédent. T'avais fait quoi? C'était Bataclan qui avait. J'avais fait le Bataclan c'était et. Je sais plus c'était quoi l'autre. Je me souviens que Zo, c'était un moment incroyable, quoi. Ouais, Zo, c'était fou. T'étais là? C'était un truc de dingue. Ah, t'étais là? Hein. Avec tout le monde sur scène, c'était un truc juste incroyable, Zo. Avec qui font scred en fait? Pourquoi on scred? Ah, c'est la fois que t'étais là. J'étais déguisé. C'est bien, c'est bien. J'ai même une barbe comme la tienne. C'est bien, c'est bien. Bon, on met un morceau, Carice. Vas-y, fort. Lequel? On va mettre Les Oiseaux. Les Oiseaux? Ouais, Les Oiseaux. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. On découvre ce morceau extrait de ton album. Écoute ça, mon pote. Ouvrons ce putain d'oiseau. Ouvrons ce putain d'oiseau. Je veux que ma cam voyage comme ces putains d'oiseaux. Ou dans des putains de boyaux. Comme des putains de cailloux. Je veux que ma cam voyage comme ces putains d'oiseaux. CRF en I. Toka rêve sous le lit. Des litrons de cheese. Et les glons fait son lit. CRF en I. Toka rêve sous le lit. Des litrons de cheese. Et les glons fait son nid. Les Yankees font des allers-retours dans mon 2-7 et ça sent le taga. Ces salopes ne se lavent pas dès qu'on les prend en levrette, ça sent le caca. Et je les vois faire la fête, j'arrive même pas à y croire. Ils font dans la défaite ce que je fais dans la victoire. Tu peux te faire fumer pour une histoire de raté ou d'une mauvaise transat. Et le commanditaire se trouve au bord de la plage allongé sur un transat. On encule le prix Goncourt et le Renaudot, c'est mon commando. C'est mon commando. Si tu vois mec Zénon, c'est que le bonobo se sert du commando. Dans ce rap, je fais ce que je veux, je leur nique leur tante et leur neveu. Elles veulent qu'on leur fasse mouiller la chatte, elles veulent pas qu'on leur mouille les cheveux. N'allume pas la lumière, je suis dans la pièce, je suis sombre et je suis rustre. Où tu peux voir mes couilles qui pendent au-dessus de ta tête comme un putain de lustre. Où vont ces putains d'oiseaux? Où vont ces putains d'oiseaux? Je veux que ma cam voyage comme ces putains d'oiseaux. Ou dans des putains de boyaux. Comme des putains de cailloux. Je veux que ma cam voyage comme ces putains d'oiseaux. CRF en I. Toka rêve sous le lit. Des litrons de cheese. Et les glons fait son nid. CRF en I. Toka rêve sous le lit. Des litrons de cheese. Et les glons fait son nid. C'est une putain de chienne, elle est dard, elle est cuissée, elle a décompensé. J'suis refait, j'suis une star, elle m'a dit j'peux te sucer pour te récompenser. Y'a ce 500 sur moi dès que je rentre, le trompa est toujours rassuré. Le biz est busy depuis que j'suis sorti, son bonda est toujours saturé. À ta place, je ne mettrai pas un dollar sur les albums de ces bâtards. C'est comme miser tes dernières économies sur une course de cafards. J'les écrase comme des mouches, très attrayants, en plus c'est payant. Les insectes ne peuvent pas comprendre ce qui se passe dans la tête d'un géant. Tu m'as peut-être vu sourire mais bélec à ce qui se passe derrière l'humeur. Je veux que des frères sincères témoignent et m'accompagnent jusqu'à ma dernière demeure. Seul le sourire et le regard de la daronne peuvent me faire verser une larme. Y'a que les petites et les grosses coupures qui peuvent percer mon âme. Où vont ces putains d'oiseaux? Où vont ces putains d'oiseaux? Je veux que ma femme voyage comme ces putains d'oiseaux. Ou dans des putains de boyaux, comme des putains de cailloux. Je veux que ma dame voyage comme ces putains d'oiseaux. CRF en I, Toka rêve sous le lit. Des litrons de cheese et les glons fait son lit. CRF en I, Toka rêve sous le lit. Des litrons de cheese et les glons fait son lit. T'entends mon signal sonore, j'suis sur un putain de bateau. T'écris des minables sont morts sur un putain de radeau. Je reviens comme John Connor. Tu sens mon putain de château. Baby, Draco, Nato, Francesco, Smalto. On s'est juré qu'on a commencé en bleuçant donc on finit ensemble. En chacun de nous y'a un ange et un démon et leur voix se ressemble. Une ceinture explosive, c'est quatre quand ton cerveau a prié. Comme les étoiles, seule l'explosion intérieure te permettra de briller. Et ces putains d'oiseaux transitent par des chemins comme le Suriname. Je lève un doigt à ce grand, tu te prends un pied bouche en plein Paname. La calache est chargée, ça ne sert même plus à rien de courir. Arrête de chialer, sois un homme, redresse-toi, sèche tes larmes. Tu vas mourir. Où vont ces putains d'oiseaux? Où vont ces putains d'oiseaux? Je veux que ma femme voyage comme ces putains d'oiseaux. Ou dans des putains de boyaux, comme des putains de cailloux. Je veux que ma femme voyage comme ces putains d'oiseaux. CRF en I, Toka rêve sous le lit. Des litrons de cheese et les glons fait son lit. CRF en I, Toka rêve sous le lit. Des litrons de cheese et les glons fait son lit. C'est Carice et ce morceau, Les Oiseaux, qui est né comment frérot. Celui-ci? En regardant le ciel. Ça va? Ouais. Bon, mais tu te dis, merde, les oiseaux... Comment ils font, où ils vont? Je me suis dit, peut-être le film aussi? Non. Toi, t'es cinéphile quand même un peu, tu m'as beaucoup, t'aimes bien le cinéma? Ouais. D'ailleurs, il y a un projet là aussi au cinéma qui va bientôt arriver? Ouais, il y a un projet qui va arriver, ouais. J'ai tourné dans un film de Julien Leclerc, celui qui m'a fait le clip de Gucci Mane. Gucci Mane? Voilà. Et le film arrivera là, d'ici quelques mois? Le film va arriver d'ici quelques mois, même une année peut-être. Mmh. Donc voilà, acteur principal Samy Boisgila. Et on a tourné une dizaine de jours à Sevran. Donc tourné à Sevran? Voilà, une grosse partie a été tournée à Sevran et une autre partie dans un autre coin. Toi, t'as quel rôle dedans? Un très bon rôle. Tu veux pas parler du pitch, c'est un peu trop tôt? Ouais, c'est un peu trop tôt, mais ça va, ça va être un film très très lourd en fait. Je crois que dans le genre, c'est les derniers du genre, je crois. C'est un truc qui t'amuse, toi, le ciné, justement? C'est un truc qui te plaît? Bon, on se souvient aussi dans Fast Life, t'avais fait un clin d'œil aussi avec. Ouais, c'était un clin d'œil. C'était un clin d'œil. Tu vois, Thomas Gijol, il voulait que j'apparaisse en mode Carice, donc. Sinon, c'était vraiment un clin d'œil. Et donc, le ciné, ouais, il y a d'autres propositions qui arrivent, il y a des choses? Non, il n'y a rien du tout. C'était une proposition comme ça, mais t'as vu, je suis pas un acteur. Tu n'as pas d'agent encore? Non. De toute façon, même si je suis dans le ciné, même si je suis à la NASA, c'est avec thérapie, frère. Voilà. Ah, c'est thérapie, les gens. Adressez-vous à thérapie pour. C'est clair, net et précis. C'est clair, net et précis. Ouais, c'est clair. Donc, cinéma, le film s'appelait comment, on peut le dire par contre, le nom du film? Ça s'appelait Braqueur. Braqueur. Donc, dedans, on peut retrouver Kaina Karina, Samy Boisgila et plein d'autres gros acteurs. Ça va être lourd. Donc, guettez ça, à mon avis, ouais, c'est d'ici quelques mois, puisque là, il vient d'être. Le tournage vient de finir. Il vient de s'achever, donc ce sera d'ici quelques mois. Exact. Pour retrouver Carice au cinéma. Vos messages avec le hashtag Carice sur Skyrock, vous les balancez dans quelques minutes, on reviendra. Est-ce qu'on met le morceau aussi avec 13 blocs qui sont là ce soir avec nous? Faut le mettre fort, c'est obligatoire. Le morceau s'appelle Vie Sauvage. Vie Sauvage. 13 blocs. Yes, Sevran 270. 270 Sevran. Voilà. Bang 93. T'as toujours pas un taux, go. 13 blocs gang. Ouais. C'est ça, frérot. On l'écoutera dans un instant, ce morceau sur Skyrock. le morceau Vie Sauvage, extrait d'album Le Bruit Non Homme. Bougez pas, on revient juste après. Ladies and gentlemen. Skyrock reçoit Caris pendant une heure complète ce soir. Planet Rap Caris. Ouais, c'est Skyrock et c'est le Planet Rap entre 20 et 21 avec Caris sur Skyrock. À découvrir l'album Le Bruit de mon âme tous les soirs de la semaine. Et ce soir, il y a un gros live qui se prépare. Ouais, un gros live. Avec 13 blocs. 13 blocs que t'as voulu sur ton album. Qui sont sur ton album? Sur l'album, sur le morceau Vie Sauvage qu'on va s'écouter tout à l'heure. Bah, même maintenant d'ailleurs, messieurs. Tout de suite, ouais. On va se le mettre fort. Donc après, il y aura un gros live 2. Je vais les laisser kicker, je vais les laisser se présenter comme il faut. Faut qu'on entende ça. Et ben on écoutera du live avec 13 blocs dans un instant. Et là c'est le morceau qui figure sur l'album Le Bruit de mon âme tout de suite. De 7-0 poteau. On a la skunk. Les chalons. Chevron. Yes I. Ouais, le vrai côté. On a la skunk. C'est l'autre côté là. Ouais. Yes, I. Tous les impliqués. Nice. Alors 93. Chou, chou, chou, chou. Ma génération, on veut pas faire d'argent avec modération. Que des missions du genre, je sers des bolos à nation. Toute ma vie, je coupe, je suis décalé du système. Beaucoup de malentendus, mon coupe, de basson lancé. Tu m'as bien entendu, donc je veux vendre la seuille. Mélange bureau comprimé, c'était un des miens, je me comprends. Si t'étais un bolos, je prends ta commande. SDVD, RS, SDVD, RS. Stockage et stockage, vide route sauvage. Quoi y'a pas choix, c'est sauvette à la sauvage. Les meurs sont là, les meurs sont là. Produit par là, produit par là. Bitches aussi, c'est par là. À l'hôtel ou la trappe. Aucun transfert émotionnel. Jamais, jamais. C'est mauvais pour la santé. Bitch, entre les jambes, j'ai ce mic. Je le sors et fais-moi plaisir, mais toi, chante. Bitches, bitches. Voiture volée, va charbonner, va charbonner, interpellé, 9-3, pointeur devra changer, yes, on mène une vie savage, pas trop nous fréquenter, non, je touche un de mes savage, on reviendra canter, on reste, vie savage, vie savage, vie savage, vie savage, vie savage, vie savage, vie savage, vie savage. Vous valez rien, bande de voyous de merde. Vous voyez rien, quand la cape prend vos mères. Vous voyez rien, yes I. Vous valez rien, vous voyez rien, quand la cape prend vos mères. C'est négro parle, mais c'est des putes. C'est faux négro, c'est faux négro. Faire croire des trucs, c'est ça leur but. Les jazz, les glock, les meufs, mais qui a la vraie réponse? Mais qui a la vraie réponse? On est toujours dans les stups, t'es toujours dans les stups. On fout le blunt après les ennemis. Yo, me veux voir sortir ces mecs la couleur du rubis. Bam bam bam. Shit est en or, la bleue est dans sa fille. Bang, bang. Fille. Et les diamants sont plus blancs que la cocaïne. Sans chaperon sur le raté, c'est pas pour l'image ou la gloire. Pour l'image ou la gloire. Ici c'est la loi. Lève la main droite, le devoir d'un youvoi. Le devoir d'un youvoi. Nous voudrons de la nicotine entre les lèvres pendant le convoi. Pendant le convoi. Transport de cam, en ma pommade, c'est une cagoule en soi. C'est une cagoule en soi. Comme la gabois. Vie, c'est vite. Les négros s'échappent. Les négros s'échappent. Ici c'est la base. Yo. Pas de la drogue, on échappe. De la drogue, on échappe. Vous voyez rien. Pas de voyous de merde. De voyous de merde. Vous voyez rien. Vous voyez rien. Vous voyez rien. Vous voyez rien. Quand la cape prend vos mères. Vous voyez rien. Quand la cape prend vos mères. Oh oui. C'est trop tard pour que le les autorités viennent nettoyer le drame. Flex. Yo. Tous les MC pissent le sang dans les toilettes des dames. Flex. Calache est chargé, je tire, je ne parle plus comme un marine. 2-7, 2-7, 2-7. Ma bitch prend du plaisir par le cul et par les narines. Bitch. Embrasse ma tête, embrasse mes pieds, ramasse ta dose, arrête de supplier. Tu sais où j'habite, je préfère mourir plutôt qu'un mec me chute. Juste la bite, la vie n'est pas un tournoi. Personne ne choisit le jour de sa mort. Je suis d'accord, mais je suis courtois. Si tu veux mon gars, je peux le faire pour toi. Cubanix sur les trapèzes, je suis dans le Benz, Benz, Benz. Je pèse comme la Brinks, canon au fond du larynx. Bang, bang, bang. Je fais du gros son pour les miens. Kissel, kissel, kissel. Si je perds à la longue, je préfère avoir du sang sur les mains plutôt qu'avoir du sperme sur la langue. Banks, banks. Hein? Hein? Test blog! Test blog! Gang! Ne forcez pas mon talent que tu. Tout le monde, frère. Big Mitch, non. Ça, il brûle mon âme, salope. Y'a ça, il est. BTTF. Banks. Banks. Inch'Allah. Rose Nose. 2-7-0 pour tout. Ouais, reste impliqué. À l'instant, avec 13 blocs, vie sauvée. J'ai l'impression qu'ils sont chauds, 13 blocs. Ils sont chauds, les live, hein, les gars. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ouais, ça pue la rue, ça pue la rue, ça pue la rue, mon gars, ça pue la rue, mon gars. J'ai l'impression qu'il va y avoir un gros live dans quelques minutes. Un gros live, ouais. Déjà, le son est très, très, très, très, très, très lourd. C'est la guerre. C'est la guerre. Sois prêt à tout, mon gars. C'est l'autre côté, c'est l'autre côté, mon gars. Le bruit de mon âme pour retrouver l'album de Caris. Toi, quel regard tu portes justement, alors que ce soit sur 13 blocs ou sur cette jeune génération? Parce que c'est vrai que là, il y a deux albums. Il y a eu Heure Noire, il y a eu celui-ci, mais ça fait un moment aussi que tu rappes. Hein, ouais, ça fait un moment. Il faut quand même rappeler. C'est pas la même génération, c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est une autre génération. Voilà, le regard, il est clair, hein, t'as vu, c'est pas des petits, c'est des mecs qui rappent depuis longtemps aussi. Ils ont quelque chose à prouver, ils ont leur rap à faire et voilà, si on peut donner de la ce fort, on donne. T'as vu, moi, leur gars sûr, c'est mon gars sûr aussi, Big Michel. Donc voilà quoi. Donc du côté de Sevran, il y aura le freestyle dans quelques minutes. Comme jamais. À pas louper, juste avant, on est avec Shams par téléphone du côté de Nantes. Salut Shams. Ouais, salut, salut tout le monde. Ça va bien Shams? Ouais, tranquille, tranquille. Et ben, je te présente Caris, 13 blocs qui sont là aussi avec nous ce soir. Ouais, salam à tout le monde. Hein. Salam bien ou quoi Shams? Ouais, tranquille, tranquille. Est-ce que tu es prêt à nous faire toi un freestyle par téléphone? Ouais, ouais, je suis prêt, je suis prêt. Eh ben, on y va, c'est parti, mon pote Shams. Ok, bah, ça va se passer en mode acapella. Acapella. Ok. Comme tu veux. Ok. Ramène ton équipe que je la soulève, je me tape des barres de rire. On peut voir les choses en face, frère, ça viendra par derrière. Laisse-moi m'occuper d'eux, ça prépare des scènes horribles. La bête qui vient en mangeant, on a arrêté qu'elle te courrie. Catégorie poids lourd, non, on n'a pas le même qu'à Paris. Ils n'ont toujours pas compris que le talent n'est pas qu'à Paris. Pareil, rapper ça donne du style. Moi, je les trouve trop l'artec. Si demain j'arrête le rap, j'aime un petit peu du tartec. Soldat du bitume, génération 91, on craint pas le revers de la médaille, qu'il soit d'or d'argent ou de bronze. Un peu trop sous-estimé, l'impression que je dérange. Inspiration démoniaque, cachée par son sourire te lance. Compte sur moi pour faire du bruit, la même envie de faire de l'oseille. Si je suis moins fort que demain, j'espère être meilleur qu'à la veille. Pour pas finir comme un manche-pierre, on cherche tous à s'imposer. Donc entre nous, ça se chauffe, on finit par s'arroser. Plus en plus fort à chaque morceau, j'ai l'ADN de Saïa. L'appétit vient en mangeant, bon, c'est Camille Antaïa. Sur le reflet de mon oncle, ma vie, je t'en fais le tableau. Qui t'a dit que le rap nantais te donne un point de passe. À l'instant. Dommage, j'avais pas d'instru, frérot. Ouais, a cappella. C'était bien, mais t'as vu, dommage, j'avais pas d'instru. Quand il y a une instru, ça donne encore plus envie de bouger. Ouais, c'était bien, franchement, ouais, c'est bien écrit. T'es, merci, merci. T'es où là? T'es dans une voiture? T'es dans une cabine? T'es où? Non, je suis devant une cage au Jacquartier, dans les quartiers nord. Dans les quartiers nord. Il y a une sonnerie chaude. Oui, une sonnerie. Je me souviens. Une sonnerie d'un beeper ou je sais pas quoi. Ouais. Mais, bon. Bah, vas-y, on t'écoute pour les dédicaces. Ouais, ouais, pour les dédicaces, je peux dédicacer bah, déjà toute la ville de Nantes, tout le 44, à mes petits du Taz Gang qui sont avec moi, aux frérots qui sont enfermés au Hebs, Brahim, Délinquant, Caracax, Bamak, Pablo, et que j'ai oublié. Et puis, je vais faire une petite promo parce que j'ai sorti un son il y a quelques jours. Ça s'appelle Parle-moi en featuring avec Elsa Nifa. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube et regarder. Donc faut cliquer quoi? Faut cliquer Shams. Shams, Parle-moi featuring Elsa Nifa. Et puis il y a aussi mon dernier clip aussi, La Cité des Ducs. Donc vous tapez Shams, La Cité des Ducs. Et puis vous serez servé. Eh ben merci à toi Shams. Bien vu Shams. Vas-y. À plus tard pour toi. À bientôt, passe une bonne soirée. Merci à toi d'avoir été avec nous en freestyle par téléphone. Avant de passer au freestyle par contre dans le studio, on met un morceau d'album. Comme jamais. Qu'est-ce qu'on met, Caris? Bon, tiens, le bruit de mon âme est dans les bacs depuis lundi. Vous le découvrez cette semaine entre 20h et 21h. Le hashtag Caris sur Skyrock. Dans quelques minutes, 13 blocs aussi au micro. À pas louper. Caris. Vas-y, on met four, hein, frérot. Four. Il y a eu beaucoup de demandes hein, sur four. Hein. J'ai vu les messages. Tiens, dites-nous aussi vos morceaux préférés si vous avez récupéré l'album de Caris. 41759. Et le morceau s'appelle Four. On le découvre tout de suite. drogue, y'a des armes, c'est le four. C'est le four. Et devant la police, on est aveugle, muet et sourd. Y'a la chaîne, y'a des loups, c'est le four. Mais devant la daronne, on est aveugle, muet et sourd. J'en sais pas la cour, quand je les baisse, j'en sais pas l'amour. Laisse en bas des tours, ta vie n'est qu'un compte à rebours. Avec Riska, tu dois d'abord sucer un méga. J'suis caché derrière une grille comme Vega. J'suis caché derrière une paire de Dita. Y'a de la place dans leur UX et Mekra. Il doit y rester au moins 1000 gigas. Sur la chatte de Carmen Electra, j'lutte pour Anelka comme Evra. Elle veut pas juste avaler quand j'échèquera. Cette pute veut mourir dans mes bras. Mon navire de guerre est dans le Mistral. Tête de mort remplie de cristal. K2 à l'amiral, j'm'introduis partout, j'suis viral. J'mélange ma mixture. Au port du vice et de la luxure. J'aime des liasses comme le petit poussé. Les couilles pendent comme une montre boussée. RGT, on te montre où c'est. Au fond de ton fion, on va te faire tousser. 2-7-0 sur le podium. Comme un KU crack sur l'aluminium. J'viens stopper ta merde comme de l'imodium. C'est un enfer, c'est un pandémonium. Y'a la drogue, y'a des armes, c'est le four. Mais devant la police, on est aveugle, muet et sourd. Y'a la chaîne, y'a des loups, c'est le four. Mais devant la daronne, on est aveugle, muet et sourd. J'en fais pas la cour, quand je les baisse, j'en fais pas l'amour. Laisse en bas des tours, ta vie n'est qu'un compte à rebours. Sont rares et je les tue toi. Et cette pute de la batte veut que je la vous vois. Le bras gauche posé sur la couloir. Boîte automatique clique pour me mouvoir. Tu veux ouvrir ton cul, on aura tout vu. Les derniers qui ont cru, on leur a cousu. J'ai balancé le jus, elle a tout bu. Je les aime nus, rasés ou tout vu. Je vais braquer leur miche, il me faut un T-Max. Je les ouvre tes biches avec des Air Max. Je suis venu manger, je suis boulu. Sur la table couille, c'est les poivres moulus. Vous l'aurez voulu. MC, tu m'auras pas en me flattant. Tu veux faire chose qu'elle avec talent. Juste, prends-toi avec ta langue. Des seins sortent, c'est la révolution. Faut que la théorie de l'évolution. Que du sale, aucune résolution. Que de l'anal démolition. Pas de repères dans ce monde incertain. Que des conflits comme sur la Terre Sainte. Je leur laisse des traces sur l'arrière-train. Je serai ton ennemi si t'en cherches un. Y'a la drogue, y'a des armes, c'est le four. Mais devant la police, on est aveugle, muet et sourd. Y'a la chaîne, y'a des loups, c'est le four. Mais devant la daronne, on est aveugle, muet et sourd. J'en fais pas la cour, quand je les baisse, j'en fais pas l'amour. Laisse en bas des tours, ta vie n'est qu'un compte à rebours. C'est le four à l'instant, c'est extrait. C'est le four de fou, frère. Du bruit de mon âme, et c'est le four ce soir dans le studio. Ouais, son cordon, ouais, ce soir c'est le four. On se voit même pas là. On se voit. Un trop de fumée. C'est vrai qu'il y a le brouillard qui est arrivé de Sevran. C'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue. On a ouvert la porte du four en fait. Un mauvais brouillard glacial. Un brouillard qui vient d'arriver dans le studio. Vous pouvez voir hein, sur les images, sur le Skyrock FM ou sur l'appli. Est-ce que le 13 bloc est prêt pour le live maintenant? Ah, attends les gars, ça prenez bien les casques par contre, sinon ça va l'arsener. Hop, merci. Toujours pas à toi, tu vas dire. C'est obligé. Prêt pour le freestyle? Ouais, ouais. Prêt à tout. On est là, Rouge Chaland, Bedot, Cité Blanche. Personne n'est là. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là. Fantôme à la prod, mon gars. Yes, sir. Big dédicace à Fantôme. Banks. J'ai donné la 13 blocs. Les duos impliqués. Tu vois ce qu'on veut dire. Banks. 13 blocs, gang. Toujours prêt à toi, Nico. 12h à 23h. Tu sais comment on opère. Je vais départ. Aya. Ya. Banks. Chez nous, la vente de drogue est légale. Aya. Aya. Défendre son territoire avec les armes. Chou. Mes négros réagissent comme des rénales. C'est négro. Raccourcis ton pronostic vital. Banks. La verte que j'atomise n'est pas végétale. Pas végétale. Parcours de vie, en très mauvais état. Black comme Dark Vador et neuf comme Vegeta. Plus de méfiance envers l'humain que le Beretta. Car c'est l'humain qui construit le Beretta. Tu sais pas ce que je peux cacher sur mon béret, man. Œil pour œil, dent pour dent, ne parle pas d'âge. On veut plus les thunes, on déjera dans un lac. C'est la guerre, sortez les armes. Restaurant. On t'effacera comme le vrai l'état. Bang, bang, bang, bang. Grandir avec la haine de Vegeta. De Vegeta. Ouais. Corps au sol, la mort inévitable. C'est la guerre, sortez les armes. Restaurant. On t'effacera comme le fait l'état. Bang, bang, bang, bang. Grandir avec la haine de Vegeta. Oh la scare. Corps au sol, la mort inévitable. Chou, bang. Nos wanges nous rendent nerveux. Le seum se ressent dans nos yeux. Duel de regard à ce feu. Ces mecs nous dévisagent et peur. Non, joue pas avec l'investissement. Non. Feu d'artifice avec tenue terre vestiment. C'est comme ça que ça se passe dans ma team. Nos balles te montrent que ta gonflette sera inutile. Bang, bang, bang. Inutile comme de la caille ou de la vieille cam. Ils sentent la sauce quand le canon est ciblé vers leur ra. Tout le monde à genoux, les mains en l'air, on les neuf parle. C'est la guerre, sortez les armes. C'est la guerre, sortez les armes. Restaurant. On t'effacera comme le Vegeta. Bang, bang, bang, bang. Grandir avec la haine de Vegeta. Corps au sol, la mort inévitable. C'est la guerre, sortez les armes. Restaurant. Et on t'effacera comme le Vegeta. Bang, bang, bang, bang. Grandir avec la haine de Vegeta. Corps au sol, la mort inévitable. Yo, on déboule dans ton bloc, c'est négro, l'air un gay. On l'air un gay. Une caboule et un bloc, c'est merde, attrape la fièvre. Ils veulent faire la guerre, mais iront par que tu plais en la scène. Tire avec la bouche en 24 ans, ça sert à rien. À l'instant en live, 13 blocs. Et un morceau, dit que c'était lourd ou pas? Morceau qu'on pourra peut-être découvrir sur les projets où c'est ce qui va arriver, Vegeta. Prochain clip dans la mixtape, sale. Violent sur Ben Emeute, quoi. La mixtape va arriver, violent sur Ben Emeute 93. Donc c'est pour quand? C'est prévu là avant l'été? Là, c'est la rentrée, c'est bon là. Et puis d'ici là, on vous retrouve aussi sur le morceau Vie Sauvage. Vie Sauvage de Riska. Allez, pêche l'album, ma gueule. Directement. La frappe, frère. Le bruit de mon âme. J'ai senti la puissance, je crois. Yes, ça y est. Je vois les messages aussi. Continuez à les balancer avec le hashtag Caris sur Skyrock. Vous continuez. Toujours prêt à tout. Violence urbaine et le groupe s'appelle 13 Blocs. On finit avec un morceau, Caris, avant de faire tourner la roulette. On va mettre ce vrac. Ah, mettons un petit ce vrac. C'est le son qui a lancé. Plus d'une. Plus d'une 93. Personne, je crois, même de l'autre côté du système. Mais ça, ce bras. Lourd. C'est le premier morceau que t'as balancé, celui-ci, non? C'est le premier truc qui est arrivé, en fait. On a fait 1 million de vues en 24 heures. En 24 heures, ouais. Donc il y avait une attente, t'as senti aussi l'engouement autour de ce morceau? Il y avait un engouement, il y avait quelque chose, et en fait, les gens ne s'entendaient pas à ça. Toi aussi, t'as été surpris ou pas par l'engouement de ce morceau? J'ai pas été surpris, j'ai bien aimé l'engouement, mais j'ai pas été surpris parce que je savais qu'on avait fait un bon truc. Je savais que ça allait faire mal. Il y a le clip qui est dispo aussi, puisque on l'a dit, il y a beaucoup d'images qui sont arrivées aussi autour de cet album. Et le morceau s'appelle Sevrac. Maintenant, il est extrait du bruit. Sevrac, poteau. Grand.

quelqu'un qui a... Tu l'as fait en plus, toi, t'avais été dans son émission, si t'y retournes d'ailleurs, ouais, tu lui demanderas pourquoi il a sorti cette punchline. Sans problème. Pourquoi il a sorti cette punchline. Il va devoir s'expliquer. Il va devoir s'expliquer. Mais c'est vrai que, ouais, bah, une réponse donc à Guerlain qui avait sorti ça, une heure de grande écoute au 13h de France 2. Je reciterai pas, mais on peut trouver évidemment un peu tout sur le net ce qu'il avait dit, et notamment l'extrait vidéo. Et c'est vrai que t'as raison de le rappeler, Carrie. C'est vrai que Élise Lucet, qui présentait le 13h, était assez passive. Bon, après, elle s'est excusée derrière en disant oui, j'ai pas capté, on était en direct. Ouais, mais faut arrêter. Mais c'est vrai que les gens pour des cons, que la phrase était rude et inadmissible. C'était très très très grave. Et très grave, en effet. Ouais. Avant de se quitter donc sur Skyrock, on va faire tourner la roulette. On va aussi saluer et rappeler que ce soir il y avait 13 blocs qui étaient avec nous. Ouais, 13 blocs étaient là. Entre 20h et 21h, qu'on peut les retrouver un peu partout sur le net, qui est un projet qui se prépare. Ouais. Pour eux, et que toi tu seras aussi en tournée, Caris. Demain t'es au Trabendo de Paris, c'est blindé, il n'y a plus de place. Ouais, c'est blindé, ça va être très très lourd. Il nous en reste ou pas des places où c'est fini? Ah, il nous en reste deux? Allez, si vous voulez les places pour aller voir Caris, un petit message 41759. Si vous voulez un show sale. Le hashtag Caris sur Skyrock. On va prendre quelqu'un aller au sort là qui nous envoie un message. Vous envoyez juste, par exemple, oui, je veux aller au concert demain. 41759. Donc demain au Trabendo, le 10 avril à Marseille, le 11 à Lyon, le 13 à Montpellier, le 14 à Bordeaux, le 15 à Toulouse, le 21 à Caen, le 22 à Rennes, le 23 à Brest, 28 avril à Metz, le 29 au Printemps de Bourges et le 9 novembre au Zénith de Paris. Exactement. Tout est réglé. Qui reste un petit peu plus de deux places. Il y a 8 places, les 8 dernières places maintenant. Ok. Allez-y. On va rajouter. Non, c'est fini. C'est blindé. Donc, on va dire pour 4 gagnants alors. C'est parti. 41, 7, 5, 9. Et on accueille pour la roulette Cindy. C'est parti, on fait tourner. Skyrock t'offre ton casque Powerbeat 2, l'album de Sam Smith, plus des bons d'achat de 50 euros. Cindy d'Orléans, comment ça va, Cindy? Ça va très bien, merci. En pleine forme, je te présente Caris, notre invité. Bon, enchanté. Salut Cindy, comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Ouais, tranquille. Pourquoi t'es morte de rire? Je sais pas, te parler. Comment? Tu donnes du bonheur aux gens, regarde Caris. Bah ouais, je suis trop contente. Ouais, ça fait plaisir, moi aussi. Eh ben allez, bienvenue Cindy, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. On a lancé la roulette et on va la faire tourner. Et la roulette. Qui s'arrête, Cindy? Sur la case Sam Smith, il y a l'album pour toi et des écouteurs, les nouveaux écouteurs Power Beats 2. Ah, ça déchire. C'est lourd ou pas? C'est pour toi. Ah, franchement, comme ça, tu pourrais écouter, content. Tu vois, avec les écouteurs, t'écoutes l'album de Caris. Ouais, comme ça, tu pourrais écouter en boucle. Ah, si. On te fait un bisou. Ok, ça marche. J'avais un petit truc à te demander, si c'est possible, Carrie. Vas-y. Ah, un 1er avril, un poisson d'avril. Non. Mon beau-frère, il kiffe tes sons. Et est-ce que c'est possible que tu lui fasses une petite dédicace ou pas? Ça s'appelle comment? Il s'appelle Jérémy. Ouais, Jérémy, bien ou quoi? 7-0, mon pote. K-double-A. Si, si. Ça va, t'as enregistré? Merci, tu déchires. T'as enregistré, Cindy? Ouais. Et ben voilà. Et ben ça déchire, merci beaucoup. Allez, bonne soirée. On salue, merci. Merci. Merci. Si vous voulez des dédicaces demain, n'hésitez pas à demander à Caris, hein, il est dispo entre 20 et 21, il passe toutes les dédicaces que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Merci en tout cas pour cette soirée, Caris, demain de retour. Demain de retour. Juste avant le Trabendo, tu seras là aussi demain entre 20h et 21h dans l'émission sur Skyrock. Merci à tous ceux qui étaient là, 13 blocs. Tiens, je passe pour le lycée de la Croix aussi, il y avait la terminale avec Jérémy, leur prof. Ouais, avec Jérémy, le prof. Qui amène dans le planète rap, ça c'est putain, j'aurais aimé avoir des profs prof comme ça. Prof pas clair. T'imagines, toi, t'as eu des profs qui t'ont emmené en radio, en tout, j'ai pas visité des trucs. À cette époque-là, ils portaient des pantalons en velours, frère. J'avais jamais entendu parler de ce truc-là. C'est fou, hein? Ouais. Mais c'est bien, en tout cas, c'est bien. Regarde ta thérapie qui fait des sons qui est prof. C'est bien. Franchement, c'est bien, ça prouve que ça. Ça prouve que dans l'éducation nationale, ouais, il y a des choses qui bougent. Voilà. Toi, t'as été jusqu'où, toi, Caris, déjà en études? Assez loin pour pouvoir parler français avec toi, t'inquiète. Mais j'ai pas de doute là-dessus, mais non, t'as charbonné un petit peu? Ouais, je suis quelqu'un qui travaille bien. Toujours. D'où les références maintenant dans les textes. C'est peut-être ça. On entend parler de François Mauriac, notamment. Et d'autres, ouais. Merci en tout cas, Caris. Merci à toi. Pour cette soirée. Demain, le retour un petit peu avant 20h. Et là, on va retrouver D-Fool maintenant. Eh oui, on est tous là. Bonjour tout le monde. Et toute l'équipe. Eh oui, salut Caris. Salut D-Fool, ça va ou quoi? Ça va bien et toi? Ouais, et Cédric, j'entends plus parler de lui. Je suis là, mon pote, t'inquiète. On écoute le bien quoi, Cédric? On soutient toujours, c'est la famille, ouais, t'es fou. Ouais, si, Sevran, mon pote. Sevran, on marche ensemble, la famille. Sevran, Sevrac même, hein, qu'on a écouté. Mais passe un soir, passe faire un petit coucou à l'équipe. Je passerai un soir, hein, le dernier soir, je vais passer. Vas-y, si on t'attend la famille. Bah, nous, on est là tous les soirs, hein, tu le sais, Caris. Et Marie, elle est là. Et Marie, j'allais te le dire, et en plus, on est bien accompagné. Romano, je m'en fous en fait. Étonnant, hein. J'ai pas entendu, j'avais pas de casque. Et il te préfère à Romano, je crois que c'est pour ta chevelure. Ah bon ? Ah, mais c'est sympa. Marie à Romano. Au niveau de Romano, il a pas de veuche. Romano, il a pas de veuche. Il est père. Il a plus de cheveux, le pauvre. Merci. Il est content que tu lui rappelles. Oui, le pauvre. Ravi. Merci Caris, en tout cas. Ouais, merci à vous. Pour ce Planète Rap demain soir, 20h-21h, à pas louper. Le Planète Rap sans de Caris. C'est faute. Toute la semaine, jusqu'à vendredi. Bonne soirée. Sans faute. Oui. À pas louper avec Fred. Merci Fredo. Hein. De rien. On te retrouve demain. Demain. Ouais, toi demain soir pour Planète Rap, mais aussi demain matin. Demain matin, juste après vous. Juste après le morning. Après le morning. Il est là avec nous, le Fredo, là. Comme d'hab. Et oui, et nous, on est là. Et on arrive tout de suite avec le premier son de la soirée. Mark Ronson et Bruno Mars. Et puis, pour le reste, vous nous appelez dès maintenant. Ça y est, c'est parti, c'est ouvert. Tout le monde est là. Profitez au 01 53 40 30 20, vous nous appelez. Et Mark Ronson et Bruno Mars, Upton Funk, c'est tout de suite sur Skyrock. Salut Fred, salut Caris. Ciao. Et à demain. Bienvenue à vous et à toute l'équipe qui est là. Mark Ronson arrive dans une minute sur Skyrock. Upton Funk, tout de suite.